se sont enfuis à tout jamais. Il reste au cœur, au creux de moi, mon amour oublié. Ne sont plus rien que des regrets. Quand ton visage sur moi penché vient me parler d'un amour. Vibrer au fond de toi, et les nuits passées déjà se sont fanées. Je reste là, les yeux fermés, le cœur blessé sur ton absence, pleure en silence, mon amour, notre amour.